Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien dans Only Rock pour l'émission numéro 4 de la nouvelle saison 2020-2021. Déjà 4 ans avec vous sur Radio Web Passion pour vous partager mon amour du rock depuis maintenant une cinquantaine, soixantaine d'émissions. Allez, j'ai arrêté de compter parce qu'il y en a trop. Aujourd'hui, du lourd encore jusqu'à 19h, on va avoir du Lords of Altamont, du Kill the Shade, on aura également... du Yeti, parce que figurez-vous que samedi dernier, et je sais il y en a qui m'ont envié la petite clin d'œil à mon ami Jackal, samedi dernier donc j'étais à Bozy, dans le Loir-et-Cher, pour le Bozy Fest organisé par la patronne du bar Le Colvert, et il y avait donc les Brunettes en concert, il y avait le groupe Yeti et enfin les Chili Dogs. J'ai pu profiter de ces trois concerts en plein air avec les distances, avec le masque. Voilà, tout le monde à peu près jouait le jeu, donc c'était plutôt correct, voilà, on va dire. Et à la fin de leur set, j'ai pu interviewer les trois membres du groupe Yeti. Je vais vous partager l'interview en deux temps. Il y aura deux parties parce que ça dure à peu près 10 minutes en tout. Mais voilà, on va se faire un petit plaisir entre nous. On commence avec un groupe, les Lords of Altamont. Alors entre 2002 et 2017, ils sortent pas moins de 6 albums, notamment un en 2011. L'album, c'est Midnight to 666. Voilà, un petit clin d'œil au diable. Et ça sortait chez Fargo Records. Et le titre qu'on écoute, c'est Get in the Car. Alors, Get in the Car, c'est les Lords of Altamont. Et c'est maintenant dans Only Rock. Il est 17h34. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est parti. Du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion. En direct, en effet, et on continue notre parcours musical qui vient tout juste de commencer avec un groupe de Tours, les Kill the Shade. Le titre qu'on écoute, c'est Rennes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que leurs concerts sont l'occasion de les voir déjà et d'entendre leur fougue et leur puissance de son, parce que Kill the Shade a un son bien à lui. Hein. C'est un groupe plein de surprises qui a une façon à lui de sortir de l'ombre. Et comme ils disent, de tuer l'obscurité. Donc, comme il savoure à le dire, un verre à la main, généreusement rock. Voilà la petite formule des Kill the Shade et on écoute Rennes tout de suite, maintenant. Je me souviens de ton regard pénétrant. Tu as surgi hors du monde, hors du temps. À chacune de tes apparitions, je tombe à terre, à genoux. Shade, Rennes, c'est le titre qu'on vient d'entendre. Et si vous voulez voir le groupe Tourangeau en concert, c'est simple. Ils seront le 10 octobre prochain dans le bar Chez Kiki. Ça se passe à Saint-Marc-la-Pile, en Touraine, à 20h30, l'entrée est gratuite. Donc Kill the Shade se produira et en première partie, il y aura Vieux Spilouk. Donc Vieux Spilouk et Kill the Shade, le 10 octobre Chez Kiki, à Saint-Marc-la-Pile, à 20h30, et l'entrée et gratuite, donc voilà, si vous ne les voyez pas, c'est vraiment pas de ma faute. Hein. On continue notre parcours musical Only Rock avec l'artiste qu'on devait écouter la semaine dernière, puis par manque de temps, on n'a pas pu. Là, c'est chose faite, c'est Monsieur Hubert Félix Thiéphaine. En 2019, remise du Grand Prix de l'UNAC, l'Union nationale des auteurs et compositeurs, pour l'ensemble de sa carrière. Hein, rien que ça déjà, pas loin de 40 ans. Et en 2019, il déclinait en version festival le concert de ses 40 ans de chansons. Ça s'était passé le 22 et le 23 novembre à Paris Olympia. Donc 40 ans de concert, 40 ans de scène pour monsieur Hubert Félix Thiéphen. Le titre qu'on écoute tout de suite, c'est Lobotomy Sporting Club. Tout un programme, je vous laisse juger. Frelons hurlant dans nos crânes, scorpions rampant dans le crash de nos âmes, serpents visqueux englués dans les squames de nos bourbeuses mémoires d'humanoïdes insanes. Nous ne sommes que des branleurs gélatineux babouins, des crapoteux glandeurs, clowns et sacs à vin, pignoles, envie de tout plomber, envie de tout scratcher, de tout désintégrer, faire cramer les télés avant que de crever de peur dans les coulisses des shows climatisés. Soleil cafard, futur glacé, Madame Lafarge, cerveau détraqué, fleurs suburbaines, gracieuse beauté, ange de la haine, fin programmée. Soleil cafard, futur glacé, Madame Lafarge, cerveau détraqué, fleurs suburbaines, gracieuse beauté, ange de la haine, fin programmée. Étincelles, Rottweiler devant les maternelles, bannières des étoilées, caméras et dentelles, dans l'œil des rats, squattant les paradis virtuels, lobotomie média, propagande flippée, lobotomie média, propagande fliquée. Soleil cafard, futur glacé, Madame Lafarge, cerveau détraqué, fleurs suburbaines, grasseuse beauté, ange de la haine, fin programmée. Soleil cafard, futur glacé, Madame Lafarge, cerveau détraqué, fleurs suburbaines, grasseuse beauté, ange de la haine, fin programmée. Fin programmé, Hubert Félix Thiéphen, Lobotomy Sporting Club. On continue avec un artiste tourangeau. Bah ouais, on revient toujours à Tours hein, quand on aime le rock. Et forcément, il y a des très très bons groupes du côté de Tours, en Touraine bien sûr. Monsieur Thomas Jean-Jean, que j'ai connu personnellement et j'en suis très fier. Il se définit comme ça, hein, je vous lis, c'est tiré de sa biographie, donc je n'invente rien. Et pardon si les mots peuvent paraître parfois vulgaires. Fils bâtard, consanguin et spiritueux de Renaud et de Sardou, précuit à la sauce Benny Hill et des chiens, farci d'épices grolandaises et de bouillon fluide glacial, Thomas Jean-Jean est un chanteur bricoleur tourangeau qui propose frais tous les jours ses chansons aux influences variées. Donc là, quoi de mieux que Paradis perdu pour se faire une idée de ce que propose Thomas Jean-Jean. Papa, pour ces vacances tout nues, j'étais vachement pudique avant. Maintenant être habillé, je peux plus. Je me suis fait des copains et des copines sympas, au tennis, au volley, au ping-pong, et sur la plage les soirs quand il faisait froid. Aux gonzesses je leur prêtais mes tongs. Belle et jolie feu de camp, dans le noir les pubis s'enflamment. premier à mon mobilhome. Plus de parents, je suis tout seul ou qui sont barrés. Encore à une soirée dans leur boîte bizarre, tous à poil que le Azuke. J'ai digéré dans le noir ma vodka Ricless. Le silence c'est pas bon quand t'as bu. Me suis dit tiens bordel, y'a un truc qui me gratte les fesses. Quand soudain dans ma chambre t'es apparu. Et dans le noir personne n'est venu. Dans mon lit bizarre tu t'es étendu. Je connais pas le chemin, heureusement je suis tout nu. Tu guides ma jeunesse. Dans le lit me pique les genoux, ça rend le bout tout mou, mais je panique pas du tout. C'était bon comme du sucre ou du beurre sur du pain. Un souvenir ou un rêve, je m'endors dans tes reins. Un pubis. Salut maman, c'est pas grave, c'est de là que je suis sorti. Je panique mais y'a personne à côté de moi. Plus de Marie-Hélène, juste mon tuba. Et je marche pieds nus dans les épines de pin. Le ciel bleu, le soleil, tout ça craint. Je le sens pas et voilà ton camping-car plus là. T'es barré et mon cœur avec toi. Vacances, tout seul et perdu. Je m'en fous des autres, la plage j'en peux plus. Je me suis rhabillé, je veux plus être tout nu. Le naturisme sans toi c'est un paradis perdu. Plus près, plus proche. Radio Web Passion. Bonne soirée. Je les ai passés. l'invité d'Only Rock. Eh bien, l'invité d'Only Rock, ce sera le projet Avoriaz, avec Mickaël à sa tête et quelques musiciens qui seront là si la santé le permet. Et ça se passera donc mardi prochain, le 22 septembre, de 18h à 19h, dans les studios de Radio Web Passion. Je serai en compagnie donc de Mickaël pour son projet musical Avoriaz. Et on aura l'occasion d'en parler pendant une heure la semaine prochaine. On vient d'écouter juste avant Infernal Flash Pep. C'est un groupe du Loir-et-Cher, si je ne m'abuse. Le titre qu'on écoutait, c'est Closet King Roll. Alors eux, ils se prennent pas trop au sérieux, hein. Ils définissent leur musique comme du rock brut, mais néanmoins affiné. Donc voilà, c'est plutôt le cas. Et je pense qu'on avait Fab aussi, le chanteur de Red Daft, qui était là en duo sur ce titre-là, si je ne m'abuse. Et comme Infernal Flash Pep partage souvent l'affiche de certains concerts avec les Red Daft, je pense qu'on écoutera un titre des Red Daft dans quelques minutes. Pour l'heure, les Halls 2.0, c'est un groupe d'Orléans qui n'existe plus malheureusement, mais que j'ai vu jouer par deux fois, notamment un de leurs derniers concerts, ça se passait au concert Ensemble Maintenant à Saran. On écoute Everything's Getting Better Since I'm Gone. Voilà, c'est pas très sympa pour la personne, mais voilà, tout va mieux depuis que je suis parti. Mais bon, leur musique se veut sans prétention, car les hiboux, hein, les Halls, sont surtout là pour partager leur amour de cet univers rock'n'rollesque empreint de bonne humeur. Je vous laisse avec les Halls 2.0. Everything's getting better since I'm gone now. One, two, three, four. Just for a few hours, but I feel it. For this, for those I need to.

Et on est content de les retrouver dans quelques minutes. Alors juste avant, je voulais un peu m'excuser pour la qualité sonore de l'enregistrement de l'interview. Forcément, avec les gestes barrières et les distanciations sociales à respecter, on a fait l'interview avec un petit peu d'espace, voilà, entre nous quatre, et avec les masques. Alors, pour ceux qui n'y étaient pas et celles qui n'étaient pas, j'avais avec moi une superbe photographe qui a fait des magnifiques photos de l'interview, du groupe et de moi-même. Je vous les posterai tout à l'heure, mais soyez patients après ça. On va continuer avec Série Noire. On finira l'interview de Yeti tout à l'heure. Série Noire, c'est un groupe de Tours. Et j'aime bien leur introduction de chanson, ça va vous rappeler quelqu'un qu'on a entendu il y a pas très longtemps, qui a encore dérapé sur un titre de livre qu'il n'a pas su bien retenir, malheureusement. Mais voilà, on écoute tout de suite Série Noire avec ce titre-là. S'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire. Je le dis avec le sourire. Que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'il ne se gêne pas pour quitter un pays qu'il n'aime pas. Only Rock toujours avec Tu l'aimes ou tu la quittes, Série Noire, le rock sous influence quelque part entre un Muse français et un Helmet Footbeat un peu dépressif, mais bon, plutôt combatif le Série Noire. Bien sûr, le groupe Tourangeau Série Noire a joué a fait des disques. Aujourd'hui, il n'existe plus, mais son chanteur, Florent Collange, a monté un autre projet, Angeville, et voilà, on l'écoutera de temps en temps dans l'Irock, bien que voilà, ça soit toujours du très très bon son que nous propose Florent. On enchaîne avec les Red Daff. Tout à l'heure, je vous disais qu'ils partageaient l'affiche et avec Infernal Flash Pep. Entre autres, les Red Daff, ils voient le jour en 2011, donc il y a déjà 9 ans maintenant. Ils sont composés traditionnellement de 4 membres, ce groupe, bassiste, batteur, guitariste, deuxième guitare et chanteur et batteur, voilà, je l'ai dit, je crois. Ils se lancent d'abord dans les reprises de standards pop et rock et ils se produisent hein, comme tout bon groupe sur les scènes et dans les bars autour de chez eux. Et puis l'envie d'écrire se fait de plus en plus sentir et ils composent leurs propres morceaux. Ils en sont à leur premier album, je crois que le deuxième album est en préparation, un peu retardé je pense avec le Covid. Mais à part ça, ils gèrent également la superbe salle de concert Le Caisson à Talcy. Alors j'espère que les concerts vont pouvoir reprendre bientôt, hein, ça m'en sous peu, je l'espère en tout cas. En attendant, chose à ne pas faire parce que maintenant c'est puni par la loi, on écoute La Claque de Red Daff. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Forcément, vous l'avez reconnu, ce petit jingle de la chère SNCF. Et ouais, c'est pour dire qu'il y a peut-être des gens qui sont en vacances, là, qui nous écoutent quelque part dans un spa ou je ne sais où. Hein, un petit clin d'œil à ceux qui vont se reconnaître. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Et puis, bah, les vacances sont terminées pour certains. Voilà, ils ont plutôt bien marché pendant une semaine. Donc, je les félicite. Sans transition aucune, parce qu'il n'y en a pas avec le groupe qu'on va entendre, à part le fait qu'ils partagent peut-être la même ville, Orléans. Les Skoy Fever, excellent groupe de scène d'Orléans, avion du rock'n'roll conçu sur les ruines du XXe siècle, finissant en Europe de l'Ouest, sous l'emprise directe des Stones, des Clash, des Yardbirds et autres musiques militaires. Le groupe vend rapidement son âme au diable, il vend des millions d'albums, il fait la tournée des régimes totalitaires et finit tragiquement dans le crash d'un jet privé. Ça, c'est pour la légende des Skoy Fever. On écoute Psychotic Swing. Jackie, I couldn't stay on the seat. Psychotic, so frantic. Psychotic swing, keep the beat. My eyes wide open, my whole body down. It's a fall. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Only Rock, on est à la moitié de l'émission, on vient de dépasser la moitié, les 18h19 minutes au studio de Radio Web Passion. On continue avec un chanteur qu'on a déjà entendu dans Only Rock, mais moi je l'aime beaucoup. Et puis bah, comme je fais la programmation, bah, je me fais aussi plaisir, c'est monsieur Hani El Ratib. Il est d'origine palestinienne par son père et philippine par sa mère. Hani El Ratib naît en 1981 à San Francisco, donc en Californie, là où il grandit également. Il pratique d'abord la musique comme un loisir tout en travaillant comme directeur artistique de la marque de vêtements pour amateurs de skateboard, HUF, particulièrement apprécié des Californiennes et des Californiens. Voilà, vous savez tout. Il a lâché son poste de directeur artistique pour les vêtements et il s'est lancé dans, dans la musique, dans le rock, et on écoute Pay No Mind, c'est Hani El Ratib. Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Et on enchaîne avec Manu Lanvin. Et ça tombe bien parce que tout à l'heure, je vous parlais de Red Daff qui gère, le groupe gère la salle Le Caisson à Talcy. Et Manu Lanvin est venu jouer au Caisson à Talcy. Donc voilà, la boucle est bouclée. Après trois premiers albums sortis entre 2000 et 2006, dans lesquels il mettait surtout l'accent sur la chanson rock, Manu Lanvin a finalement trouvé sa voix la plus naturelle avec le Blue Devils. Le Devil Blues et le Blues Devil, un power trio qui lui colle parfaitement à la peau. Blues, booze and rock and roll est sans aucun doute l'album de la maturité pour Manu, qui lui vaudra l'éloge de la presse musicale et la reconnaissance des professionnels. Comme récompense, il a eu son album a été sélectionné comme l'un des meilleurs albums de l'année par Le Parisien. Son spectacle est retenu comme l'une des meilleures performances de l'année par le magazine Rock and Folk. Et Manu est nominé comme meilleur interprète masculin aux Globes de Cristal en 2017. Alors rien que pour ça, on s'écoute Gigi Kell on the radio. Manu Lanvin. My right, just turn to the radio. I'm praying for gas. Gigi Kell on the Radio, Manu Lanvin sur l'album Blues, Booze and Rock and Roll, sorti en 2017. On continue avec un artiste signé sur une maison de disques italienne. L'album Six String Suicide est sorti en 2009. Les producteurs sont Pete Ross et Peter Sinani. Bien sûr, c'est Monsieur Pete Ross and the Passinos. Alors Pete Ross, c'est un artiste qu'on a vu sur Orléans, hein, rue de Bourgogne, dans le café concert par la préfecture, dont le nom m'échappe à l'instant. Voilà, je m'en souvenais hier, je l'ai pas noté et ça m'est disparu. Et on l'a vu également à l'Infrared, Pete Ross avec l'artiste The Saphir. Alors maintenant, il tourne beaucoup avec elle. Hein, c'est Pete Ross and The Saphir. Là, on est quelques années avant, donc en 2009, Pete Ross and The Paisanos, alors ou les paysans, je pense, en espagnol. Le titre qu'on écoute, c'est My Baby's Gone. Bonne écoute dans le Nirock. Il est 18h28 passées de 30 secondes. My baby's gone. She's gone away. I don't know why she wouldn't say. Now I'm alone with no company, all by myself. Not here with me. I took my heart, put it away. I have no use for it this day. Maybe she'll come back, maybe she'll stay. Drove all night to find where she'd been. I asked my friend what they had seen. They said, if you're a man, don't stay out late. Keep her beside. She'll be safe. My baby's gone. She's gone away. I don't know why she wouldn't say. Maybe she'll come back. Maybe one day. If I can keep her, maybe she'll stay. I sat back down. Close my eyes. I dreamt of the first time I made her cry. If I could rewind back all those years, I might just change things, wipe away those tears. My baby's gone. She's gone. Only Rock, la passion du rock sur le web. C'est toujours la passion du rock, forcément, dans Only Rock, tous les mardis de 17h30 à 19h. Et une petite info, l'émission de notre ami Jackal, Hot Rods, reviendra sur les ondes de Radio Web Passion le mercredi 23 septembre. Notez bien le rendez-vous, Hot Rods revient le 23 septembre à 18h sur Web Passion. On enchaîne avec un groupe anglais. En 2003, le leader de ce groupe, monsieur Pete Doherty, renaît de ses cendres et de son ancien groupe, les Libertines. Il fonde les Baby Chambers. Ce groupe-là, les Baby Chambers, n'ont que 2 albums à leur actif, mais ils disposent d'une très très forte notoriété du fait tout simplement de l'ultra-médiatisation de leur intenable leader, Pete Doherty. N'empêche que le rock anglais, c'est toujours bon. On écoute Fall from Grace tout de suite. I just can't shake it. You've got your reasons, I've got mine. When the dam bursts, I can't take it. We'll drown our sorrows. Here it comes, look, here it comes. With my head hanging high and my hands untied, on the horizon there's a little piece of land I spy. Can we go someplace where they know my face? Gather round now, bear witness to my fall from grace. Oh, yeah. If I had to tell the truth, would be lying if I said that I was wrong. To be the right man in the wrong place, so on the right side of the road. Here it comes, while my head hangs high and my hands untied. On the horizon there's a little piece of land I spy. Can we go someplace where they don't know my face? Gather round, bear witness to my fall from grace. Sorrow, who spilled the salt into the sea? Who stole the whiskey from the bottle? Who sold his soul to destiny? Look, here it comes, while my head hanging high and my hands untied. On the horizon there's a little piece of land I spy. Can we go someplace where they know my face? Gather round, bear witness to my fall from grace. With my head hanging high and my hands untied, look, see a little piece of land I spy. Can we go someplace where they know my face? radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Et comme ça, avec les applications, l'application Radio Web Passion sur les iPhone et les Android, vous pourrez forcément toujours, toujours nous écouter, écouter toutes les émissions de qualité qui se produisent sur Radio Web Passion depuis maintenant quelques années. Et depuis cette année, beaucoup, beaucoup d'émissions nouvelles. On enchaîne, parce que forcément, quand je suis pas au travail, quand je suis pas à la radio, bah parfois je me promène chez des disquaires indépendants et autres, et je trouve parfois quelques pépites, et là j'en ai trouvé une. C'est pas vraiment une pépite parce que c'est un groupe de Bordeaux que l'on connaît, qu'on a déjà passé dans l'Unirock. C'est le groupe Eiffel. Et là, je suis tombé au hasard d'un album live qui était produit. Alors, ça remonte, hein. C'était l'année dernière. C'était en 2003, les enregistrements. C'était enregistré à l'air libre à Rennes. C'était dans le cadre des Transmusicales de Rennes les 5 et 6 décembre 2003. Il y a eu un enregistrement également fait à la Maroquinerie de Paris les 9 et 10 décembre 2003. Donc rien que pour ça, rien que pour cette petite découverte que j'ai fait chez un petit disquaire sur Orléans, je vous propose d'écouter Abricotine et Quality Street, suivi du titre Le Plat Pays. Bien sûr, c'est le groupe Eiffel et c'est dans le New Rock. Je vous laisse avec Eiffel en live. C'est parti. Sur le vif, majorette au latex facile, en flagrant délice, elle se recèle une tranche de nulle part. Encore chétif, aimé au hasard. Morceau de métro dans les poumons, voyez comme elle ne s'est aperçue de rien. Pousse les rides, tombe les mèches, et souffle le rêche. Fini le temps. D'une gâtine, l'heure de visite. Abricotine, Quality Street. Commencement, comment se nomme enfant, comment s'appelle la suite. Et quand Macatin, oh Macatin, j'attends des nouvelles. On a fini par tomber, à glisser sur trop de crudité, coule les rides, fonde les mèches, et souffle le fraîche. Fini le temps. L'heure de visite. Abricotine, Charity Street. Et les vieilles de tranquille à Saint-Ignon. Fini le temps. Ce sera comme le rire nerveux des enfants, le cœur aux enterrements. Bonjour l'avion d'Assis, j'ai seulement un peu peur. Seulement un peu peur. Seulement un peu peur. Avec le team. Straight. terrain vague, les vagues de dunes. Pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent, qui hantent jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brume, les avenirs, avec le vent de l'est, écoutez-le tenir, le pays qui est le mien. Avec des cathédrales, pour unique montagne, et de noirs clochers, comme mâts de cocagne, ou des diables en pierre, décrochent les nuages avec le fil des jours, pour unique voyage, et des chemins de pluie, pour unique bonsoir. Le vent d'ouest, écoutez-le vouloir le plat pays qui est le mien. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord. Avec de l'Italie, tu descends dans l'Escure, avec Frida la blonde, quand elle devient marqueur. Pays qui est le mien, bien sûr. Eiffel reprenait une chanson du grand Jacques Brel sur l'album Abricotine et sorti en 2003 sur un album live enregistré donc à la Maroquinerie et au Transmusical de Rennes. Voilà, sans transition aucune, on casse pas les verres ici, on écoute la deuxième partie de l'interview de Yeti réalisée samedi dernier au Bozy Festival. Je vous laisse avec Laurent, Sébastien et Monsieur Hervé, le batteur, tout dernièrement arrivé dans Yeti, et c'était son premier concert. Alors Yeti, c'est un groupe qui joue beaucoup, mais en dehors d'Orléans et du Loiret et de la même de la région. Est-ce que là, ce soir, c'est le top départ pour d'autres concerts à venir, dans les mois à venir, ailleurs en France? On espère, oui. Alors, on recherche toujours des dates, mais effectivement, les endroits où l'on prospecte, ben, ils sont un peu frileux, évidemment. Ils ne savent pas trop s'ils vont pouvoir, s'ils ne vont pas pouvoir. Donc, là, on a des dates en attente, on attend les confirmations, on attend la situation pour pouvoir confirmer. Mais oui, le but, c'est jouer. Prochainement, on joue le 3 encore dans le Loir-et-Cher, à Vineuil. Ouais, c'est les greniers de Vineuil, c'est ça, oui. Avec Barricade et puis Skawax. D'accord. Donc ça, c'est la prochaine date. Donc finalement, c'est bientôt, c'est bien. ça fait du bien. Mais là, ça fait du bien déjà ce soir de rejouer après deux trois mois. On a un petit peu les fruits de notre travail. Ça fait longtemps qu'on joue. On a un certain réseau. Et c'est vrai qu'on a la chance, ou plutôt le résultat de notre persévérance, c'est qu'on cherche pas de concert, on nous en propose. Et c'est vachement agréable. C'est le grand luxe, ça. Ouais. Ouais, c'est le grand luxe. J'imagine, ouais. Enfin, c'est un grand luxe, c'est quand même le fruit d'une grande persévérance. Ouais. Et du coup, le concert du mois de juin, celui-ci, ça se fait dans des conditions un peu particulières. Et pour vous, et pour le public, vous avez vu des changements, j'imagine? Oui, déjà, nous, on a des masques là pour faire l'interview, oui, voilà, mais... C'est ça, il faut porter des masques, il faut rester à des distances de sécurité. Alors, c'est plus ou moins respecté, hein, je dirais. Ouais. Mais dans l'ensemble, je pense que les gens sont tellement contents de venir voir du live qu'ils respectent les règles qu'on leur impose, même si, bon, c'est pas forcément agréable. Je pense que le fait d'être devant des groupes qui jouent en live, c'est ce qui compte. Après, on porte les masques, tant qu'il faudra... On le fait, quoi. Puis le public a l'air de jouer le jeu, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Et il est là. Si, ouais. Il y a combien de personnes à peu près ce soir? Vous avez un peu estimé la jauge? 150, je pense. Ouais. 150. Alors c'est un petit peu moins qu'au dernier Bozy Festi-Live. Mais bon, le contexte est très particulier. Ce qui est marrant, c'est de noter qu'il y a quand même un changement un peu de mentalité dans plein de domaines, quoi. Ça implique une vision un peu différente de la vie, finalement. Mais pour autant, les gens sont vachement contents de venir voir de la musique en direct, quoi. Bah ça manquait, j'ai envie de dire, depuis plusieurs mois. Ouais. Puis Laurent, Hervé et moi, on est d'accord sur le fait que nous, c'est la scène, quoi. C'est la scène. Les vidéos, c'est pas trop notre truc. Après, chacun fait comme il le sent et comme il peut. Nous, c'est, enfin, ce qui nous excite, vraiment dans tous les sens du terme, c'est de jouer sur scène. Et on essaie de le faire, en tout cas, avec tout notre cœur. Et la situation qu'on connaît, est-ce que vous appréhendez la musique différemment? Est-ce que ça peut influer sur les textes à venir, sur la façon de jouer, sur la scénographie, sur... Pas du tout. De mon point de vue, non, mais pour les textes, je sais pas, on verra, parce que pour l'instant, je pense qu'il y en aura bien assez des chansons sur le Covid. On a bien assez entendu parler. Il y a eu pas mal de groupes qui ont écrit leurs choses, quoi, sur la situation, donc... Je sais pas si on va en rajouter, on verra bien, mais a priori non, je pense pas. Mais... C'est une idée originale, on verra. Non, pour reprendre une pub, c'est peut-être pas la peine de rajouter. C'est clair. Alors comment est-ce que vous voyez le successeur à The Worst qui est sorti, si je m'abuse, en juin 2018? Est-ce que vous avez pu y travailler déjà pendant le confinement? Non, pas du tout ou... Non, puisque là on est dans une phase de réadaptation avec Hervé. Et il essaie déjà infuser 17 ou 18 morceaux, c'est déjà un gros boulot, quoi. Et c'est vrai que les gens se rendent pas compte, mais il y a du rock punk, c'est pas forcément toujours aussi simple à interpréter que ça en a l'air. Et des fois on fait des petites fioritures sans s'en rendre compte d'ailleurs, et les gens disent c'est compliqué des fois. Bah ouais, c'est un peu compliqué, on fait pas du jazz, mais il y a des choses un peu complexes. Oui, et du coup là il y a des projets à venir pour Yeti. Une actualité, à part le 3 là, à Vineuil, est-ce qu'il y a autre chose à... Concrètement non, mais concrètement, l'objectif c'est effectivement je pense que la RV commence à avoir des morceaux en main, en baguette, et là l'objectif effectivement c'est de créer d'autres nouveaux morceaux, à terme si on peut enregistrer quelque chose ça serait bien, quoi, un nouveau CD, un EP, quelque chose. Histoire de concrétiser avec Hervé une nouvelle étape, quoi, puis passer à autre chose. On va faire du neuf. Ouais. On a quand même des objectifs parce qu'on va jouer dans un festival au mois de décembre à Courchâton, c'est dans. En Haute-Saône. On a un festival punk à Tours au mois de juin. Donc, ça, c'est les gros objectifs qui nous font vachement plaisir, quoi. mieux. Bah, merci à vous. Et puis, bonne route. Vous avez un cri de guerre, je crois, que vous répétez souvent. Bah, c'est peut-être une question un peu bête, mais ça vient d'où ce cri de guerre que... Je sais plus, en fait. On s'était dit faut trouver quelque chose pour le cri du Yeti. Comme personne n'a jamais vu, bah, il a fallu inventer. Et puis voilà, c'est venu, c'est ça. Donc on le fait. Ouga ! Merci à vous, bonne soirée. Alors, Yeti, c'est un groupe qui... Tatoué sur le bras, c'est Porcelaine, le groupe bordelais Luc. Voilà, 18h58 tout juste sur l'horloge de Radio Web Passion. Il nous reste 2 minutes, mais pas de panique. Hein. On va tranquillement se faire un titre d'un groupe monumental, puisque c'est en 1991 et la sortie de leur deuxième album, Nevermind, que le groupe Nirvana marque de son empreinte l'histoire du rock avec le titre phare, Smell Like Teen Spirit. C'est un succès planétaire. Le monde de la musique découvre un nouveau style, le grunge. Voilà, le grunge est né avec Nirvana. Un mélange de punk et de rock. Et là, pour se quitter, on écoute Drain You. Oui, un titre qu'on a un peu moins entendu sur les ondes de radio. Mais ça fait du bien, un bon Nirvana pour terminer. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Radio Web Passion. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, 17h30, 19h, avec à 18h. l'artiste Avorias qui viendra se présenter son projet. Bonne fin de soirée sur Web Passion. Fabien au micro d'Only Rock. Je vous dis à mardi prochain. Ciao, ciao. Du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion.